Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour la deuxième étape d'une grande traversée de l'œuvre et de la vie d'Albert Camus. Camus, la pensée de midi. Et c'est de son œuvre aujourd'hui que nous allons partir, c'est de son œuvre que nous allons parler et d'un texte insensé, un texte fou, ahurissant, ontologique, éternellement dérangeant, L'étranger. En compagnie de Myriam Corrichi et de Laurent Bove, avec, en lecteur du texte lui-même, Denis Lavant bien sûr, dont vous reconnaîtrez aisément la voix, et un autre acteur, nettement moins bon, mais on le lui pardonne, Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Meursault n'est qu'un modeste employé de bureau à Alger quand sa mère meurt de vieillesse à l'asile où il l'avait abandonnée. Après l'avoir inhumé sans larmes, sous un soleil atroce, il se rend à la plage et prend une maîtresse. Invité par un souteneur à passer un dimanche au bord de mer, dans le cabanon d'un ami, au terme d'un concours de circonstances où il n'avait rien fait de mal, Meursault tire à 5 reprises sur le corps déjà mort d'un homme qui le menaçait presque de son couteau. Si vous êtes au soleil à l'heure qu'il est, sachez qu'on s'apprête à vous raconter l'histoire d'un homme que la chaleur transforme en assassin. Au bout de 11 mois d'instruction, le jeune homme est condamné à mort, sans être coupable, ni même avoir menti à ses accusateurs. Mais les condamnés à mort savent si bien le secret de la condition humaine que Meursault découvre entre 4 murs, en l'absence de Dieu, face à la guillotine, que l'amour n'a aucun besoin du divin et que Dieu d'ailleurs n'est bien souvent que haine et peur et que la tendre indifférence du monde demande à mots couverts qu'on lui ouvre les bras. En d'autres termes, c'est l'histoire d'un type, sa mère meurt, mais lui ne pleure pas, rencontre une fille qui l'emmène dans son lit avant de tuer un homme et d'être condamné à mort comme tout le monde et c'est tout. C'est tout. Les plus grands livres ne sont pas les plus épais. L'étranger, ce chef-d'œuvre concis, raconte non seulement la méchanceté du quotidien, la douleur de vieillir, la violence et la douceur du soleil, le refus du mensonge et la folie de la justice des hommes, mais il donne aussi et surtout à entendre la voix profondément singulière, bizarre, étrange, d'un personnage qui mêle un amour infini à une indifférence totale, un amour profond à une indifférence de façade. D'un homme à qui ses semblables ne pardonnent pas, comme dit Camus, de n'avoir pas joué le jeu, car juger un homme chez Camus, c'est toujours un peu le comprendre de travers. C'est avec Laurent Bove et Myriam Corrichi, tous deux philosophes, universitaires et spécialistes de Camus et de Spinoza, que nous allons maintenant, pour cette deuxième matinée consacrée à Albert Camus, aborder ce texte sublime et redoutable à la fois, en compagnie toujours des voix de Denis Lavant et d'Albert Camus lui-même. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Ce début fameux de l'étranger, célébrissime, que connaissent même ceux qui n'ont pas lu le livre, a-t-il une signification particulière ou a-t-il la signification particulière de ne rien vouloir dire, comme le dit lui-même l'auteur, cela ne veut rien dire, Laurent Bove? Je pense qu'il a une signification bien particulière. Je pense que... Il tue sa mère au début, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Meursault est extrêmement sensible au langage. Le texte de Camus est écrit pour l'étranger. Ce n'est pas le style de Camus en général. Phrase extrêmement courte. On peut dire, comme le dit Sartre dans l'explication, que c'est la première rencontre avec l'absurde dès les premières lignes. Ce que l'on peut dire aussi, c'est une rencontre, alors sur le fond philosophique, c'est une rencontre avec déjà une conception du temps. C'est-à-dire une discontinuité radicale. Aujourd'hui, hier. Oui, et des oppositions aussi radicales. Au fond, c'est un début aussi très parménidien. L'être est, le non-être n'est pas. C'est ça. Alors, Parménide, en l'occurrence, c'est l'Éléate, le premier des présocratiques, et celui dont on retient la phrase fameuse selon laquelle tout ce qui est est et tout ce qui n'existe pas n'existe pas. Aujourd'hui, le présent, maman, le présent, est morte, néant. On a d'un coup l'être est, le non-être n'est pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on part dans, je pense, un socle philosophique extrêmement fort. D'autre part aussi, je l'ai dit, une certaine conception du temps qui va être celui d'une succession pure de présents, d'une discontinuité radicale. Vous parliez des Éléates, je pense que Camus a une sensibilité extrêmement présocratique, à l'évidence. Mais présocratique, non pas au sens où les présocratiques prépareraient Platon, c'est-à-dire une métaphysique, une transcendance. Non, les présocratiques, en l'occurrence, sont ceux qui, précisément, se passent de transcendance. Que ce soit Parménide ou que ce soit Héraclite, d'ailleurs. Ouais. Parménide étant celui pour qui tout ce qui est est, et Héraclite étant celui pour qui tout devient, d'une certaine manière. Mais on a opposé l'un et l'autre bien souvent, mais on peut tout à fait considérer également que les deux sont compatibles dans une même reconnaissance de l'être indépendamment et hors toute transcendance. Myriam Corrichi. Alors, justement, ça vaudrait le coup de revenir sur le référent de « cela ne veut rien dire ». Qu'est-ce qui ne veut rien dire ? Il dit « cela ne veut rien dire », ensuite il dit « je ne sais pas ». Non, ensuite suit « c'était peut-être hier », donc qu'est-ce qui ne veut rien dire ? C'est le télégramme, puisque vous disiez, Laurent Boeuf, que Meursault est très sensible au langage. Le « cela ne veut rien dire » suit immédiatement le contenu du télégramme. C'est cette juxtaposition, ce sont les mots, lus sur une feuille de papier, qui ne renvoient à aucune autre réalité qu'eux-mêmes, qu'au télégramme. Enfin, là, j'ouvre la question à « je ne sais pas ». Mais je remarque juste que cela ne veut rien dire, suit le contenu du télégramme. Oui, moi je pense qu'il s'agit du télégramme et par là même déjà d'une réflexion sur le temps. C'est-à-dire les deux choses vont ensemble. Il ne sait pas quand sa mère est morte. Et d'une certaine manière, c'est cette interrogation à laquelle il répond en disant on ne le sait pas lorsqu'on a lu ce télégramme. Camus fait un usage fréquent des télégrammes. Il s'en sert en particulier, par exemple, dans La Peste. Dans La Peste, on ne communique plus par lettre écrite, puisqu'on a peur que le bacille de la peste se transmette par le papier lui-même, souillé par les doigts de ceux qui écrivent les lettres. Et par conséquent, on ne communique plus que par télégramme. Et Camus explique à un moment, dans La Peste, que les mots qui sortaient saignants de ceux qui les écrivaient, finalement, se résument dans les conventions du télégramme et l'absence de verbe et l'absence de vie, et finalement ça convient à tout le monde. Mmh. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. J'ai souvent eu l'impression, parmi les philosophes, citons-en 3, si vous voulez, parmi les philosophes sans père, Nietzsche, Sartre et Camus, qu'ils avaient, spontanément, sans faire de la psychanalyse de café, si vous voulez, mais qu'ils avaient spontanément une prédilection pour l'absurde ou pour le non-sens. Mais là, ce qui est quand même très étrange, c'est qu'il en passe par la mer, pour arriver d'une certaine façon à l'absurde. Laurent Boeuf, comment vous comprenez ça, cet absurde qui passe par la mort de la mère ? Je pense que derrière la mère, il y a la question philosophique de l'immanence. Le texte... C'est-à-dire du refus de la transcendance, du refus d'un au-delà. Du refus de la transcendance, du refus de l'au-delà, et d'une certaine manière, donc, de l'absence du père. Mais cette absence, et c'est tout le trajet initiatique de Meursault, elle n'est jamais effectivement, du moins explicitement, ressentie comme absence. Et on va peut-être même de plus en plus radicalement supprimer l'absence. Je veux dire que plus la mère réelle de Meursault disparaît, plus il va découvrir que le silence de sa mère, dont il va beaucoup nous parler, dont Camus parle également dans Le Premier Homme, le silence de sa mère, c'est le silence du réel lui-même. C'est le silence de la nature, Et donc, l'on va passer effectivement de la relation à la mère réelle, à la relation initiatique à cette mère et, d'une certaine manière, la relation au monde, à la nature. Et cette voie-là sera, d'une certaine façon, une voie de salut. Hein, et je dis salut entre guillemets, puisque naturellement, a priori, ce parcours semble en contradiction avec la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire avec la question du divorce. Et l'absence d'au-delà. Et l'absence d'au-delà. Mais ici, sans doute, faut-il entendre salut au sens de la communion, justement, que Meursault peut avoir avec sa mère, alors, bien sûr, comme nous le savons, qu'il va être condamné pour ne pas l'avoir aimé et ne pas avoir pleuré à son enterrement. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Je regardais la campagne autour de moi, à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel. Cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Vous parliez d'indifférence tout à l'heure, Laurent Bob. Est-ce que l'indifférence n'est pas également... Bien sûr, il y a l'indifférence de la nature, parce que la nature ne parle pas. Quand bien même elle ferait des bruits, elle ne nous parle pas, elle ne nous transmet pas du sens, puisque Camus est de ceux qui ne tiennent pas évidemment les coïncidences pour des signes, puisqu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà. Néanmoins, l'indifférence dans l'étranger, c'est celle de Meursault. Meursault est parfaitement indifférent à la mort de sa mère, ou plus exactement, il donne le sentiment de l'être au début. À un moment, il dit « bon, bah, j'ai pas été la voir, mais vous comprenez, il parle de l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets, faire 2 heures de route, enfin bon, il a pas le temps, il a mieux à faire, et dès la première page d'ailleurs, il lui tarde d'une certaine façon que sa maman soit enterrée, puisqu'il dit « après l'enterrement, ce sera une affaire classée, tout aura revêtu une allure plus officielle ». Donc, que signifie alors cette fois-ci l'indifférence de Meursault, ou l'indifférence apparente de Meursault, et qui lui sera bien reprochée, d'ailleurs on verra plus tard dans le procès qui lui sera fait à la mort de sa mère. Alors là, j'ai peut-être parlé trop tôt de l'indifférence, parce que vous m'obligez d'ores et déjà à un saut à la fin du livre. D'une certaine manière, cette indifférence, c'est l'essentiel dans le texte. C'est l'indifférence de la mère, c'est l'indifférence de la nature, c'est l'indifférence de Meursault. Or, cette indifférence, c'est ce qui nous dispose à l'amour, en fait. C'est le grand paradoxe hein, du texte. Indifférence à quoi? En premier lieu, pourrions-nous dire, c'est une indifférence à soi-même. C'est, d'une certaine manière, pour Meursault, paradoxalement, ce qui le libère de son propre amour-propre, c'est-à-dire de son soi. Alors, être indifférent à soi, tout à l'heure, Myriam Corrichi parlait de Pascal. Cette indifférence à soi, c'est celle, chez Pascal, de l'homme de la première nature. Hein? Pascal dit dans les Pensées, si nous naissions indifférents, effectivement, nous ne serions pas totalement focalisés sur notre moi, et nous pourrions nous aimer nous-mêmes, mais pas en tant qu'amour propre, mais nous aimer comme nous aimons les autres et comme nous aimons Dieu. C'est pour cela que je disais que cette indifférence est effectivement une disposition à l'amour. Mais naturellement, un amour sans objet, d'une certaine manière. C'est-à-dire un amour où l'on n'est pas dans l'amour propre, où l'on n'est pas dans l'amour d'un Dieu qui serait celui du christianisme, où l'on n'est pas dans l'amour d'une mère que l'on peut en quelque sorte identifié et situé, on est dans l'amour de quelque chose qui est sans objet, d'un amour qui est amour de lui-même, et c'est pour cela que d'une certaine manière, l'essentiel c'est la relation dans ce texte. Hein. C'est une philosophie de la relation et non pas une philosophie du rapport du sujet et de l'objet. Vous parlez d'un amour de lui-même, ça évoque pour moi, et peut-être vous allez me contredire, je ne sais pas, mais ça évoque pour moi la cinquième partie de l'éthique de Spinoza, dans laquelle Spinoza parle d'un Dieu qui s'aime lui-même d'un amour infini. Est-ce qu'on est en présence de ça, ici? Un amour qui est à lui-même son propre objet, un amour qui est à lui-même sa propre fin, un amour qui finalement est ouvert au monde, et qui justifierait d'ailleurs le fait que Meursault soit capable de compréhension et d'étonnement. En tout cas, il est question, à travers cet amour qui n'aurait pas d'objet, il est question d'un amour du monde, mais au sens où le monde s'oppose à l'objet singulier qui est nécessairement paré de celui qui le vise. Parce que dans cet amour dont il est question et auquel Meursault atteint à la fin, dans cet amour, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'est ressenti aucun manque, peut-être. Et qu'il n'est pas question de désir, mais qu'il est question de désir au sens où on est toujours taraudé par le manque de l'objet, mais donc d'un amour, il est question d'un amour qui est plein. Camus parle d'un désir sans objet. Une fois dans le texte, c'est, je pense, dans L'envers et l'endroit. Donc l'un des premiers textes qu'il a écrit. Oui, et c'est la définition même qui donne de la vie. La vie, c'est-à-dire un désir sans objet. Et à ce moment-là, le sans-objet signifie fondamentalement sans manque. Ça ne signifie pas ce que l'on pourrait croire au premier abord. C'est-à-dire un désir qui ne dépend pas de l'objet qu'il se donne. Bien sûr, un désir qui est en dehors du rapport sujet-objet. Alors qu'est-ce que ce désir ? Effectivement, c'est une tension. C'est une lame vibrante, désespérée au sens comme du désir d'absence d'espoir, qui n'est rien d'autre que sa propre jouissance. Mais alors, en l'occurrence, l'absence d'espoir est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le désir n'est pas pollué justement par l'espoir qui suspend le bonheur à la réalisation de ce qu'il espère. Tout à fait, oui. Et effectivement, puisque l'absence d'objet, c'est l'absence, finalement, d'une finalité du désir. C'est-à-dire, c'est l'absence de l'absence de la chose, d'une certaine façon. Et cette tension, c'est celle du désir, effectivement. On pourrait le dire, même si Camus, je crois, à ce moment-là, ne pense pas à cela, mais elle est l'expression d'un désir que l'on trouve chez Spinoza et qui est avant l'amour. C'est-à-dire que l'amour, ce serait le moment où, en quelque sorte, le désir trouverait son objet et, d'une certaine manière, rentrerait dans des rapports téléologiques. Téléologiques, mais, c'est-à-dire des rapports qui se donnent un but, un télos en grec. Bien sûr. Tandis que là, nous sommes à ce niveau ontologique d'un désir sans objet qui est la vie même, une pure énergie, en quelque sorte. Une pure affirmation, on peut... Une pure affirmation. Là, on peut aussi... Oui, parce qu'un désir qui se donne un objet terme, est un désir négatif. Oui. Donc, une pure affirmation, et on peut aussi utiliser un autre terme spinoziste, une véritable persévérance, c'est-à-dire, mais une persévérance sans projection. Quelque chose qui nous fait revenir à la question du temps dans L'étranger, et d'où c'est ce qui explique peut-être la prégnance ou l'importance du temps présent. Que Meursault dit à un moment au procureur qu'il est plus préoccupé d'aujourd'hui, des aujourd'hui et des demain. Et c'est une manière d'envisager une... Bon, paradoxalement, hein, parce que on a dit tout à l'heure que c'était une suite d'instants, mais c'est une suite d'instants qui est quand même organiquement liée. D'où la possibilité aussi de considérer un demain après un aujourd'hui. Mais en revanche, valorisation du présent et de la persévérance dans le présent qui peut donner un demain. Donc, mais d'où le problème peut-être du hier, c'est-à-dire de la prise en compte d'un passé. On a l'impression dans ce texte que le passé fait plus problème que l'avenir finalement. Le grand absent de ce texte, c'est le passé. L'avenir est comme résolu grâce au rapport au présent, alors que le passé, c'est vraiment une manière de s'attacher si fort au temps présent, c'est une manière de liquider le problème du passé, c'est-à-dire de la nostalgie. En même temps, dans le futur de cette conversation, on parlera du passé, oui. Puisque le passé revient en force au moment de la prison, avec les souvenirs qui l'aident, justement, comme il le dit lui-même, à tuer le temps. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. Avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue, de nouveau déserte. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tiré, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé. Tout à l'heure, nous avons évoqué des obsèques sans larmes sous un soleil de plomb et des télégrammes qui ne veulent rien dire. Retrouvons maintenant Meursault, l'anti-héros de l'étranger, mais pour parler de la mort, du désespoir, de la justice des hommes, des magistrats théologiens, de la condition des condamnés et même de la laideur des vieillards. À ce moment, le concierge m'a dit « Je vais vous laisser seul. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourdonnaient contre la verrière. Et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là. » Immédiatement, il a répondu « 5 ans », comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. Il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. D'où vient cette espèce de détestation manifeste que Camus a pour les concierges? Il les fait mourir. Mmh. Il les fait mourir un peu partout. Je pense par exemple à la peste. Dans la peste, le concierge est le premier à mourir de la peste. Ici, c'est le concierge d'une morgue. Pourquoi les concierges? Est-ce que vous savez ça? Oui, il les traite peut-être pas très bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, le concierge est peut-être le premier témoin de cette humanité diverse et banale, finalement, dans l'asile. Le concierge a tout le premier le soin de se désolidariser complètement des pensionnaires, alors qu'il a à peu près le même âge qu'eux. Dans une certaine mesure, dit Camus, il avait des droits sur eux. C'est un homme d'orgueil, le concierge, le gardien. Non, Laurent Bove. En fait, dans ce texte, il ne le déteste pas tout à fait. Parce que si, dans la première partie, le concierge est effectivement présenté comme celui qui veut se démarquer des autres, c'est-à-dire, au fond, qui ne souhaite pas, finalement, accepter la condition d'être là pour attendre la mort, hein, tout simplement. C'est-à-dire, lui, peut-être encore dans le divertissement, au sens pascalien. Il a un métier, il a une fonction. Mais pourtant, quand on regarde ce que devient le concierge dans la deuxième partie du texte, il fait partie d'un moment les plus christiques du texte de Camus. En effet, lorsqu'il vient témoigner, il vient bien sûr avec tous ses affects passifs, c'est-à-dire il vient dire que Meursault n'a pas pleuré, qu'il a bu du café au lait, qu'il a fumé devant le cercueil de sa mère. Bon, on sait qu'il a dormi, etc. Et lorsque l'avocat de Meursault, finalement, pour essayer d'apporter quelque chose de positif à son client, de lui sauver la peau, dit « mais vous aussi, vous avez fumé, vous aussi, etc. » À ce moment-là, Meursault va intervenir lorsque on lui demande s'il a quelque chose à dire. Et Meursault dit « c'est moi qui lui ai proposé la cigarette, etc. » Et alors, à ce moment-là, on voit le concierge se transformer. Il y a un moment de grâce, là, qui vient de lui tomber dessus. Parce que Meursault lui épargne la honte, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il lui épargne, en quelque sorte, le fait de la culpabilité, c'est-à-dire d'avoir partagé, finalement, ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Et donc, il se transforme, c'est-à-dire, il a reçu la grâce, enfin, Meursault l'a touché, d'une certaine manière, hein, comme Jésus. Et à ce moment-là, il se retourne et il dit que c'est lui qui a proposé le café au lait, enfin. Donc, tout à fait, dans un rapport d'équivalence, chacun essayant en quelque sorte d'apporter quelque chose à l'autre. Et effectivement, là, on a une relation authentiquement humaine, mais qui vient en quelque sorte comme une grâce apportée par l'intervention de Meursault Christ. C'est vrai que Meursault partage une cigarette avec le concierge, qui d'ailleurs rétroactivement vraiment apparaît comme la première cigarette du condamné. Est-ce que finalement la philosophie de Camus n'est pas la philosophie d'un fumeur, c'est-à-dire d'un homme qui adosse le plus grand des plaisirs à la chose la plus mortifère qui soit, Myriam Corrichi? Oui, il était enchaîné sans doute à sa cigarette, mais peut-être que la cigarette fumée auprès du corbillard apparaît rétrospectivement après la lecture de tout le texte comme la cigarette du condamné. Mais toutes les autres cigarettes fumées au long de la première partie, elles apparaissent comme des cigarettes de l'habitude. Laurent Bove. Oui, je suis d'accord, hein, bien sûr, avec ce thème de l'habitude. On ne comprend pas tout à Camus si on ne comprend pas qu'il fume. Bien sûr. Et d'ailleurs, la cigarette, c'est un goût. Or, une des pensées les plus profondes de Camus, c'est qu'au fond du plaisir et du bonheur, il y a un goût de la mort. Et je pense qu'effectivement, là, on est tout à fait adéquat à cet acte de fumer en permanence qui se trouve dans le texte. Mais je remarque quand même... Il dit quand même, la première, je parle de la première cigarette, hein, celle du concierge, là, il dit « J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. » Effectivement, si je pouvais le faire devant maman, au sens où là, finalement, il pense encore à sa mère vivante, alors que paradoxalement, c'est de fumer devant sa mère morte. Hein. Je crois que là il y a un paradoxe, en fait, de ce rapport lorsqu'il dit « si je pouvais fumer devant maman hein. ». Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'il refuse une cigarette dans ce texte. À la fin. Et oui, et bien sûr. Vous avez parlé de la cigarette du condamné à mort, mais il refuse la cigarette qu'on lui donne, sont les policiers, le jour du procès. Mais vous savez pourquoi il la refuse ? Il la refuse parce qu'on la lui a interdite en prison et il a pris l'habitude de ne plus voilà. fumer. Mais bien sûr, d'où le thème c'est là, voilà. prégnant de l'habitude. Oui, qui naturellement a une dimension ici extrêmement forte. Parce qu'en fait, finalement, si sa liberté passait par la cigarette, une fois qu'il a reconstruit en prison, c'est-à-dire dans d'autres murs, il y a toujours des murs, il a reconstruit une autre liberté, la cigarette est devenue inutile, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne fait plus partie de son monde et de son horizon. Et là, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Donc, on pourrait peut-être parler de l'insignifiance de la cigarette. C'est-à-dire que, oui. La cigarette comme un plaisir gratuit. Oui, et tributaire d'un certain univers défini par certains murs. Alors oui, changeant de mur, il change d'habitude et donc change de référentiel. Et comme, paradoxalement, les murs étant enfin plus étroits, plus rapprochés de lui, eh bien l'univers s'élargit. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dodeliner de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. C'est un texte magnifique et c'est un texte étonnant parce qu'on a à la fois une sorte de phénoménologie des vieillards qui s'assoit face à lui, dont aucun détail ne lui échappe, donc il les décrit. Et en même temps, il les décrit tout en doutant de leur réalité. Et puis surtout, ils sont assis, comme seront assis les jurés face à lui un peu plus tard aux assises. C'est-à-dire, ils sont assis et lui donnent le sentiment de le juger. Est-ce que le sentiment d'enfermement n'est pas justement inauguré dans l'étranger par la présence de ce public étrange, de grosses femmes et d'hommes décharnés qui le regardent et lui donnent le sentiment de le juger, Laurent Bovin? Oui, sans doute. Mais de tout cet épisode, je pense, il y a deux choses qui me paraissent extrêmement importantes. C'est d'une part le vieillissement des corps. Hein, parce qu'on est dans une philosophie des corps et en même temps, nous sommes dans une philosophie de l'affirmation des corps, de ces corps sur les plages, de ces corps bruns, hein, dont on parlera ensuite sans doute avec Marie. Et là, nous avons une description de la décrépitude et je pense qu'il y a tout Camus ici, hein, c'est-à-dire qu'à la fois le corps et sa présence, c'est ce qui nous permettra de penser ensuite que Meursault vit quelque chose qui est de l'ordre d'une éternité, et qu'en même temps, cette éternité, c'est ce qui va pourrir. Hein. Et il a une phrase qui est magnifique dans ses premiers textes, à savoir « le corps est une vérité qui va pourrir hein. ». Et je pense que là, nous avons premièrement, cela. Et deuxièmement, à travers l'anticipation, bien sûr, de ceux qui vont le juger. Et là, il y a la figure du père qui apparaît pour la première fois dans le texte, en fait. Hein? Parce que lui va s'endormir. Et le seul vieillard qu'il va voir lorsqu'il va se réveiller, c'est quelqu'un qui, bien sûr, l'a fixé pendant tout le temps de son sommeil, et qui le fixe au moment où il se réveille comme un reproche radical, on peut dire, au-delà de la mort, de son comportement. Quand ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'on le regardait. Bien sûr. Et qu'effectivement, l'ensemble de ces vieillards qui sont là, à travers celui qui le regarde, le juge, et je pense qu'effectivement, là, il y a la figure du père, en quelque sorte, qui est terrible, hein, implicite, et qui anticipe, bien sûr, ce qui se passera par la suite. Myriam Qureshi, si je vous dis que le corps chez Camus, c'est le désespoir incarné, est-ce que vous partagez cette expression? En un sens, oui, le corps est une promesse de désespoir, puisqu'il va pourrir, mais ce n'est qu'en ce sens-là. Je pense. Ça n'est qu'au sens où le corps est passible de maladies, d'abord, avant la vieillesse, tout le long de sa vie, le corps est sujet, s'offre aux maladies, et ensuite, il suit la lente, le lent déclin, effectivement, du vieillissement. Mais est-ce que le désespoir, ça n'est pas non plus l'absence d'espoir qui accompagne la jubilation de l'instant? Le fait de ne rien espérer, et rien espérer d'autre que le présent. Laurent Bovin, vous parliez du présent tout à l'heure. Oui, sauf à trouver un moyen de jouir du présent, de l'instant présent, grâce au corps. Parce que c'est ça, le corps aussi. Le corps, c'est le moyen d'accéder à une jouissance pleine et entière dans l'instant. Mais ça, c'est pas un espoir. Non. Quand on parlait de désespoir, on parlait désespoir aussi d'absence au sens d'espoir. Privatif, d'absence d'espoir. Un espoir, appelez ça comme vous voulez, oui. Parce que désespoir a toujours ce goût hein, du nostalgique et de la mélancolie. Alors ce thème est là dans le texte, hein, bien sûr. Le mot de mélancolie apparaît au moins deux fois, au début, premier chapitre du livre, et à la fin, dernier chapitre du livre, en une phrase magnifique, que dans ce pays, le soir, le pays de l'Algérie, donc, le soir apparaît comme une trêve mélancolique. C'est-à-dire que, donc, oui, absence d'espoir, qui n'est donc pas un désespoir au sens donc, qui implique des passions tristes. Hein, c'est pour ça que si on peut s'autoriser de juste d'une périphrase au lieu de désespoir pour dire absence d'espoir qui est tributaire toujours de la possibilité d'arrêter le temps. Donc trêve, instant, le moment du suspens, de se suspendre. Par exemple, c'est pas un exemple, c'est paradigmatique dans le texte. À la fin, on n'a pas l'exécution de Meursault. Le texte s'arrête justement sur un suspens magnifique, sur un suspens qui réconcilie l'individu avec son sort ou son destin, plutôt. Donc en un instant où il n'y a plus d'espoir au sens strict, c'est-à-dire plus de possibilités de projection dans un avenir souhaité. Voilà, c'est peut-être ça, il n'y a plus de souhait ou de désir au sens qui implique du temps. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite tout amicale qui n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui. J'ai refusé. Je lui trouvais tout de même un air très doux. « Pourquoi, m'a-t-il dit, refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr, et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander, cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sûr, quelquefois, et en réalité, on n'était pas. Je ne disais rien. Il m'a regardé et m'a interrogé. « Qu'en pensez-vous ?» J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il a détourné les yeux et m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré. J'avais seulement peur, c'était bien naturel. C'est bizarre, l'étranger, parce que on commence par une mort et par un enterrement, donc par la mort et ce qui suit la mort, et on s'achève par la promesse d'une mort et tout ce qui la précède. C'est comme si le roman, d'une certaine façon, cheminait à l'envers. Commencer par la fin de quelqu'un, la disparition de quelqu'un, et les funérailles qui sont d'ailleurs elles-mêmes décrites de façon elliptique, et s'achever sur... cette fois-ci, la promesse d'avoir à mourir. Donc, ce qui est frappant dans l'étranger, d'une certaine façon, alors qu'on ne sait pas forcément qu'il va mourir au début, rien ne l'indique, mais pourtant, c'est quand même, d'une certaine manière, l'absence de suspense, non, Laurent Bove? Oui, en effet. Mais je dirais qu'on ne sait pas s'il va mourir, effectivement. Vas-y, on sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas de quelle manière. Oui, voilà, on sait qu'il va mourir, effectivement. Mais on ne sait pas s'il va être effectivement exécuté. Alors... Je reviens sur le corps avant de prolonger sur votre question. Chez Camus, le corps ignore l'espoir. Et c'est lui-même qui le dit de manière très affirmative dans ses premiers textes. Et l'espoir, c'est ce que philosophiquement, nous devons liquider dans une logique de philosophie de l'absurde. Ce qui veut dire que, finalement, nous sommes corps, essentiellement. C'est-à-dire qu'on a affaire à une philosophie matérialiste que Camus n'a jamais réellement poussée jusqu'au bout, je pense, hein, mais qui est effectivement une philosophie du corps qui a sans doute raison liée à l'épicurisme, voire à la grande sagesse du corps chez Nietzsche. Hein. Mais ce corps, c'est à la fois ce qui nous permet de pouvoir vivre le présent, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'âme qui nous permet de vivre le présent, sauf si elle est capable de n'être rien d'autre que cette raison du corps. Hein? Donc ce corps, c'est à la fois ce qui nous permet de vivre le présent, voire peut-être même quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance d'une éternité au présent, et en même temps, ce corps, c'est ce qui dépérit. Effectivement, ce corps, c'est le lieu le plus tragique, c'est-à-dire ce qui nous met en présence avec la mort. D'où à la fois... la proximité absolue de la vie que peut avoir l'homme absurde et la proximité absolue de la mort étant donné que ce corps, effectivement, a un goût de mort et que dans l'observation que l'on peut en faire, la mort est visible. Hein, ici, maintenant. Maintenant, pour ce qui concerne le début et la fin de ce texte, on commence effectivement par la mort de la mère. Mais la mort de la mère, c'est ce qui va permettre un cheminement. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre effectivement au personnage Meursault de quitter, je dirais, le rapport éventuellement névrotique qu'il avait avec sa mère. Je dis éventuellement en pensant au premier homme, c'est-à-dire au texte où Jacques Cormery, Camus, parle de son rapport avec sa mère. Et là, de ce point de vue, il y a incontestablement quelque chose de névrotique, une culpabilité d'avoir trahi, de ne pas être fidèle. Donc, je dirais que la mort de la mère, c'est d'une certaine manière ce qui va permettre à Meursault, qui lui a été fidèle, puisque lui est resté, et Jacques Cormery ou Camus est parti. Hein. C'est ce qui va permettre à Meursault de liquider, je dirais, les restes de culpabilité et de névrose qui pouvaient encore l'attacher à la réalité de cette mère-là. Et par là même, cette mort est l'ouverture à une naissance. Lorsque la mère meurt, Marie, c'est-à-dire la mère du Christ, apparaît. Et Meursault la rencontre. Et à partir de là, on a le début d'une aventure qui est l'aventure qui va passer par la mort de l'arabe, mais qui est l'aventure d'une résurrection. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, je pense que c'est volontairement que le texte ne se clôt pas sur la mort de Meursault. Meursault va mourir, comme tous les hommes, mais on ne sait pas comment il va mourir. Et d'autre part, ce que l'on sait, ce sont les dernières lignes du texte, c'est qu'en fait, il est en train de vivre une grande vie. C'est-à-dire, ça se clôt effectivement sur la vie et non pas sur la mort. La mort, elle est dans la haine de ceux qui vont le voir, c'est-à-dire des vivants qui ont trahi la vie. Et de ce point de vue-là, alors là, c'est la manière dont on lit le texte, il y a quelques phrases qui nous laissent penser que cette vie de Meursault devient de plus en plus créatrice. Et j'aime à penser que le hasard qui lui a été défavorable, et c'est tout à fait dans une logique qui est celle de la philosophie de l'étranger, pourrait lui être favorable et que Meursault obtient sa grâce au sens philosophique, et sa libération, et que Meursault devienne l'écrivain lui-même. C'est-à-dire, l'étranger, c'est peut-être le texte que Meursault a écrit après être sorti de prison. C'est-à-dire, c'est la création, en quelque sorte. C'est la création, il est créateur jusqu'au bout. L'homme absurde est créateur. Et je pense que c'est cette vie extraordinaire, puissante, créatrice de l'homme absurde, mais qui a traversé l'absurde, que peut-être nous laisse penser la fin de l'étranger. Cette interprétation est très séduisante et il y a même des indices dans le texte qui pourraient donner du poids à cette interprétation. Je reprécise, c'est-à-dire Meursault sorti miraculeusement de prison, on ne sait comment, par quelle grâce, judiciaire là pour le coup, on ne sait comment, donc sorti de prison, écrirait L'étranger. Et effectivement, il y a un passage dans le texte qui m'a toujours frappé. C'est le début du chapitre 2 de la deuxième partie, où Meursault écrit « Il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler. » Quand je suis entrée en prison, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le début d'un récit rétrospectif qui nous donne à penser, qui nous laisse voir, le prisonnier après sa libération, qui revient sur ses mois de prison. C'est le temps ici qui m'arrête. Oui, oui. C'est le seul passage qui est un indice, qui me semble être un indice de l'après-prison. Oui. Pour ma part, il y a deux autres passages. Je peux dire que dans les derniers mois, je dormais 16 à 18 heures par jour. Il me restait 6 heures à tuer avec les repas, etc. Enfin, on ne sait plus d'où il parle du tout. Et une autre phrase où il dit que pendant toute cette période, après sa condamnation, lorsqu'il attend à la fois l'aube et le pourvoi, il dit quelque chose qui amène à penser qui n'est pas mort. J'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. C'est étonnant quand même, c'est la première fois que j'entends deux personnes lui sauver la vie à Meursault. Mais bon, non, pour ouvrir, le hasard. Mais pour ouvrir, j'ai dit que c'était séduisant, je trouve ça très séduisant. Il y a des indices, ce qui permet de lever un certain nombre de contradictions narratives dans le texte qui concernent particulièrement la deuxième partie. C'est-à-dire la partie où il est en prison. La partie où il est en prison, où le style de narration change, indubitablement. Mais juste pour ouvrir... Est-ce que, donc c'est très séduisant, c'est-à-dire que là on se place du point de vue d'une logique de la narration, donc de vraisemblance narrative, mais du point de vue du sens, est-ce que en évitant de se poser la question de l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à Meursault, comment a-t-il été exécuté ou pas, est-ce qu'on ne serait pas fidèle à ce que dit Camus, affirme Camus, qu'il n'y a pas de lendemain? Oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'arrêt du texte juste avant. Juste avant l'exécution. L'exécution, eh bien, laisse à penser qu'il n'y a pas de lendemain au sens où l'instant présent se suffit à lui-même une fois qu'on le vit pleinement, finalement, comme il le fait. La morale, en l'occurrence, serait une morale épicurienne. Tant qu'on vit, oui, on n'est pas mort. Oui, c'est-à-dire vraiment du présent, de jouissance pleine du présent. Il n'y a pas de lendemain, c'est aujourd'hui qui est important. Oui, et de l'éternel présent. D'un éternel présent qui a réussi à ce moment-là à évacuer le problème de la mort. C'est-à-dire que là, on est au-delà de Camus, du Camus, du moins du mythe de Sisyphe. C'est-à-dire où le goût du fond des choses n'est plus le goût de la mort, mais une espèce de jouissance éternelle de la vie. Je voudrais simplement dire pour la question du hasard, je pensais simplement, par rapport aux interrogations de Meursault dans sa prison, sur laquelle on reviendra, lorsque il envisage les différentes possibilités, je pensais à Charles-Louis Borges, c'est-à-dire la loterie à Babylone. Il peut toujours y avoir un coup de dé qui permette de s'en sortir. Et c'est effectivement ce qu'essaie d'imaginer ou d'envisager Meursault dans sa prison. Oui, mais au début du chapitre, au début du dernier chapitre. À la fin, il n'y a plus du tout d'ouverture, en tout cas prospective sur le Bien temps. Sûr. Il y a une véritable ouverture sur l'éternité, j'ose le mot, parce qu'il s'agit vraiment de cela. Et une vraie jouissance et un vrai sentiment que là, il procure au lecteur, de façon vraiment pleine et extraordinaire, un vrai sentiment de l'instant plein, d'une durée pure, je dirais, qui n'est, et l'éternité ne se définit peut-être pas autrement. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher en cuir bouilli semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs, noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Alors, l'instant plein d'une durée pure est aussi incarné par, j'allais dire, le personnage principal de l'étranger, qui est le soleil, et qui, pour le coup, témoigne à plusieurs reprises, non pas d'une ouverture, mais d'un enfermement. Il parle, à un moment, c'est la première occurrence du soleil, je crois, c'est « le ciel était déjà plein de soleil ». Autant dire que le ciel est vide, et qu'il ne peut être rempli que par une étoile, mais qui n'est pas divine. Il parle du soleil débordant, qui fait tressaillir les paysages, et qui le rend inhumain et déprimant, ce qui rappelle d'ailleurs la phrase de Sisyphe où il parle d'un jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leurs répliques. Dans la scène du corbillard donc qui accompagne donc les obsèques de la mère, on a vraiment un soleil de plomb, mais au sens propre, un soleil de plomb, c'est-à-dire une chaleur absolue. Et alors ce qui est frappant quand il parle du soleil, c'est qu'il dit... À un moment, une femme qui accompagne le cortège, le corbillard, les quelques participants, dit « Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, commente Meursault, il n'y avait pas d'issue. Or, il n'y avait pas d'issue, est une phrase que reprend Meursault en prison pour dire à la fin, mais cette fois-ci c'est au moment où le soleil se couche, c'est au moment mélancolique, justement, la trêve mélancolique dont vous parliez, il dit « Non, il n'y avait pas d'issue, cette fois-ci on est en prison, bien plus loin, et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. » Il n'y avait pas d'issue. Le soleil, c'est le sans-issue. Laurent Bove, comment vous comprenez ça ? Nous sommes sur un plan d'immanence radicale. Philosophiquement, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que l'on peut envisager en quelque sorte le rapport au monde, soit comme Platon, le monde est une caverne et il y a un au-delà, il y a une issue. Figurée par le soleil. Par le soleil. Figurée, effectivement, par le soleil. Je rappelle qu'au livre 7 de la République, la fameuse allégorie de la caverne, ce catéchisme de la caverne qu'on enseigne en terminale, décrit le parcours d'un homme qui s'éloigne d'un feu qu'il prenait pour la réalité pour tourner véritablement son regard vers le soleil. Platon allégorise de cette façon la conversion du regard, du sensible à l'intelligible. Donc on a, dans une tradition métaphysique platonicienne, le soleil comme une issue. Et ici, donc, le soleil joue un rôle différent. Ici, le soleil, c'est ce qui, à la fois, est la lumière, on pourrait dire, des corps eux-mêmes, c'est la corporéité, et c'est par là même l'affirmation de la vie, et c'est la mort. Je pense à une phrase de Sartre, c'est dans Les Mouches, un texte d'à peu près la même période, c'est le début où le pédagogue dit à Oreste, qu'y a-t-il de plus sinistre que le soleil ? Effectivement, mais seulement chez Camus, il y a les deux faces, la vie et la mort dans le soleil. Mais ce soleil, bien sûr, n'est pas en dehors de la caverne. Ici, nous sommes sur un plan strict d'immanence qui rayonne, mais qui rayonne tellement que naturellement, il brûle et la réalité des corps se fond. Donc la mort est aussi immanente, est aussi en absolue proximité que la vie. Et je pense que c'est exactement, enfin, à mon sens, ce rapport que la philosophie de Camus a avec le soleil, qui conduit aussi bien à la sagesse, parce que dans ce que nous disions tout à l'heure à propos du désir sans objet, cette vie, c'est une sagesse solaire, en quelque sorte, qui est dans cette tension, ce rayonnement, cette fureur de vivre, on peut dire, qui est chez Camus, cette passion de vivre, mais en même temps, ce qui, effectivement, exténue aussi totalement les corps, ce qui fait, et il le dit pour les peuples méditerranéens, ce qui fait que les vies passent très très vite, et qu'une fois que l'on est allé à la plage, et que l'on a rencontré une femme ou un homme, ensuite, d'un coup, la mort se replie très rapidement sur ses corps, et la vie n'est plus qu'une longue habitude qui, naturellement, a déjà le goût de la mort. Mais cette rapidité, en quelque sorte, qui fait passer de la lumière à l'ombre, c'est, je pense, toute l'œuvre de Camus qu'il exprime. C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée de ses petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. C'est fou de voir à quel point Camus finalement est un philosophe nietzschéen. Le dernier chapitre, les 20 dernières pages de L'Homme révolté, magnifiques, sont intitulées La pensée de midi. Or, Nietzsche bénissait le midi car c'était selon lui l'heure de l'ombre la plus courte. C'est également l'heure de l'instant qui a ceci d'éternel qu'il ne dure pas. Précisément, c'est-à-dire qu'il est sans commencement ni fin, c'est l'instant absolu, c'est l'instant d'éternité, c'est l'éternité qu'on bénit. Chez Nietzsche, Nietzsche est tout entier un penseur du midi, ou en tout cas prétend l'être. Il va de l'aurore au crépuscule, mais c'est vrai qu'il passe sa vie à traquer l'heure du midi, c'est-à-dire le moment où le soleil est au plus haut, où l'ombre est la plus courte. Nietzsche est également le penseur qui parle d'inhumanité, dont Camus reprend le terme ici, inhumanité pour qualifier le monde, en expliquant dans Le Gai Savoir qu'il est devenu dur, cruel, indifférent à force d'avoir constaté que ce monde était inhumain. Et c'est également celui qui parle de danse macabre, toujours à la fin du Gai Savoir, une danse macabre mais où la musique est suffisamment joyeuse pour ne pas chasser nos idées noires. Est-ce qu'on n'est pas là en pleine camusie, si j'ose dire, Myriam Corrichi? Oui, je répondrai d'abord par de l'anecdotique, qui a vraiment son sens en même temps. Dans la voiture qui a tué Camus en 1960, dans sa sacoche, on a retrouvé donc le manuscrit inachevé de son dernier livre, le premier homme, et bien il y avait 2 autres livres, Le Gai Savoir, que vous évoquiez à l'instant. Donc c'est pour pas. Ça que je me permets d'insister là-dessus. Le Gai Savoir et Othello, couvert d'annotations, Othello dans une traduction française. Oui, il y a Nietzsche, c'est une figure de la philosophie qui a poursuivi Camus des débuts jusqu'à la fin. Alors, le midi, le thème du moment du jour où l'ombre est la plus courte, où il n'y a quasiment pas d'ombre, ce qui nous rapproche aussi de la description du tribunal des vieillards au début, où il n'y a aucune ombre, mais ce n'est pas le soleil, mais on est aussi dans une lumière éclatante. Ça fait penser aussi aux projecteurs qui peuvent être écrasants dans une salle de théâtre, par exemple, où tous les détails peuvent exploser sans aucune nuance. Un monde inhumain, tout cela donc est lié ensemble. Il y a des réseaux que tisse Camus là-dedans, entre ces éléments. Et alors, pourquoi il est inhumain, ce monde dans lequel le sentiment de l'absurde est réveillé? Eh bien, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de place pour la mesure. Oui, le soleil incarne donc cela parce qu'il est l'excès même. Il n'est pas à la mesure de l'homme. Il est à la fois bienveillant et absolument nocif. Et on a les 2 aspects, effectivement, dans L'Étranger, parce que c'est l'excès, c'est quelque chose qui excède absolument la mesure corporelle, hein, ne serait-ce que corporelle, de l'homme. L'homme est brûlé par le soleil. Mais précisons que cela... Comme disait René Char, que Camus aimait beaucoup, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Bien sûr. Voilà, c'est cela. Donc c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire cet homme qui sent une proximité, un lien profond avec la nature, comme le dit Camus, pas en 1935 ou 36, mais en 48. Il sent ce lien, et ce lien passe par le goût du soleil, qui est indéniable, et en même temps, l'homme n'est pas à sa mesure, c'est-à-dire il est brûlé par le soleil. Vous parlez d'un soleil qui n'est pas à la mesure de l'homme. Faisons un petit détour par Spinoza, dont je sais que l'un et l'autre vous l'aimez beaucoup. Avec moi, on est 3. Faisons un petit détour par Spinoza. dans l'éthique, Spinoza, parmi les illusions que Spinoza déconstruit, il y a l'illusion d'un dieu qui aurait forme humaine, d'une certaine façon. Un dieu anthropomorphe, qui, avec une barbe et un éclair dans la main, viendrait rendre la justice chez les hommes. Il y a donc la critique d'un anthropomorphisme qui accompagne évidemment la critique de l'idée que le monde aurait un sens, puisqu'en définitive, l'illusion que le monde a un sens chez Spinoza vient du fait que l'homme confond le monde avec lui-même et donne au monde le sens qu'il voudrait d'une certaine façon donner à sa vie. Le résultat de ça, si Dieu n'est plus à forme humaine, si Dieu n'a plus visage humain, Dieu cesse d'être à la mesure de l'homme, Dieu devient précisément démesuré dans la mesure où l'homme lui-même en fait partie. L'homme, dit Spinoza, est une partie de l'entendement infini de Dieu. Si nous faisons partie de Dieu, alors si nous sommes plus exactement, voilà, si Dieu nous ressemble, il a les moyens d'être au-delà de nous. Mais si nous faisons partie de Dieu, si nous n'avons aucun rapport avec lui, s'il y a entre lui et nous la différence qu'il y a entre le chien animal aboyant et le chien constellation céleste, s'il y a entre Dieu et nous une différence absolue précisément parce que Dieu c'est la nature et qu'on en fait partie, alors, cette fois-ci, on est en présence d'une divinité, d'une certaine façon, absurde, dont le soleil témoigne mieux que tout autre, non, Laurent Bove? Oui. C'est-à-dire que... Et d'une divinité démesurée, surtout. Bien sûr. Infinie, c'est-à-dire sans au-delà. Oui, il faut même dire plus qu'infini chez Spinoza, c'est l'absolument infini. La substance ou la nature, c'est ou Dieu, est absolument infini, constitué d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Effectivement, le Dieu de Spinoza, c'est la démesure, mais c'est une démesure qui produit infiniment et indéfiniment de l'ordre, hein, bien sûr. Cet ordre est sans principe ni fin. La nature est sans principe ni fin, hein, comme le dit Spinoza. Il n'y a pas de providence chez Spinoza. Alors, il n'y a pas de providence, et non plus la réalité de cette vie, de la vie de Dieu, est sans objet. Hein, on peut reprendre l'expression de Camus, et ce sans-objet, cet effort sans-objet se retrouve dans tout ce que Spinoza appelle les essences ou conatus de chaque être qui persévère dans son être. Alors, comment rapprocher le texte de Camus de celui de Spinoza? Je ne pense que pas du tout que ce soit direct, hein, chez Camus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sans que Camus ait Spinoza en tête, on peut tout à fait penser que, d'une certaine façon, le même mouvement porte l'un à écrire l'éthique et porte l'autre à écrire l'étranger. C'est tout. C'est un mouvement ou une intuition commune. Oui. Alors, je dirais ce qui les rapproche et ce qui les sépare très rapidement. Hein. Ce qui les rapproche, effectivement, je pense qu'on peut lire au moins dans l'étranger, parce que c'est plus difficile de le lire directement dans le mythe de Sisyphe. Hein. Mais on peut lire au moins dans le roman, l'étranger, une philosophie de type immanentiste radical, et à travers le personnage de Meursault, une figure du Christ. Une figure du Christ qui est, à mon sens, plus spinoziste, finalement, que nietzschéenne. Hein. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Parce qu'il faut préciser ça. La figure nietzschéenne du Christ, c'est celle que Camus a sans doute dans la tête lorsqu'il dit « Meursault est le Christ que nous méritons ». Or, cette figure nietzschéenne, c'est celle de l'antéchrist. C'est-à-dire, elle est... L'antéchrist qui est le terme par lequel le juge d'instruction qualifie Meursault lui-même. Hein. Bonjour l'antéchrist, ou au revoir l'antéchrist. Au revoir l'antéchrist. Au revoir l'antéchrist, c'est pas l'antéchrist, pareil. Oui. Mais lorsque Nietzsche parle du Christ, il le situe à une certaine étape du nihilisme. C'est le nihilisme passif. Et effectivement, à ce moment-là, on sait que Camus a dit aussi de sa mère « elle est le Christ ». Ça va beaucoup plus l'expression pour la mère, hein, c'est-à-dire le silence de la mère, la stérilité radicale de la mère, l'idiotie, on peut dire, de la mère. L'idiotie, cette fois-ci, au sens d'Ostoïevski, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire au sens où, en grec, idiotesse signifie la simplicité, l'unicité du monde. Quand vous dites idiotie, ça n'est pas un jugement de valeur. Ça veut pas dire que la mère est idiote. Ça veut dire tout simplement que la mère est tout entière, tout ce qu'elle est. Tout à fait. Rien de plus que cela. Bien sûr. Eh bien, cela, on le trouve dans le Christ de Nietzsche. C'est quelqu'un qui ne résiste à rien, qui est finalement une pure intériorité. Mais la pure intériorité de la mère, c'est son vide. Et avec Meursault, qui est Christ également, on a autre chose. C'est-à-dire, on a un Christ qui, lui, est totalement donné au monde, c'est-à-dire qui vit totalement à la surface de la peau, qui pour lui est bien sûr le plus profond, et qui vit à travers toutes ses sensations dans une relation au monde qui est une relation à la mer, à la nature, ou on peut dire à Dieu au sens spinoziste. À ce moment-là, ce Christ Meursault n'en reste pas au nihilisme passif. Il devient, comme je le disais tout à l'heure, celui par lequel le corps arrive à la conscience. Je dirais de manière spinoziste, puisque vous avez évoqué Spinoza plusieurs fois, finalement, il arrive à une idée adéquate à la fin de son texte. Hein. C'est-à-dire que une pleine compréhension. Une pleine compréhension. Alors, l'idée adéquate ici n'étant rien d'autre, effectivement, on dirait au sens de Camus, que la raison du corps. Il ne dit pas autre chose que l'affirmation du corps et de la présence. Or, l'affirmation du corps et de la présence n'est pas du tout l'affirmation d'une chose, d'un fragment isolé, c'est au contraire la relation au monde, la plus pleine, la plus entière, et cette relation qui est d'indifférence au sens fort du terme, est la relation d'amour. Or, effectivement, là, on a pleinement le rapport, on peut dire, avec le spinozisme. Ce qui différencie maintenant très rapidement Camus de Spinoza, c'est que je pense qu'avec Camus, et même encore dans L'Étranger, on est dans une philosophie du don. C'est-à-dire que l'éternité est là, dit Camus dans ses premiers textes, et moi je l'espérais. Mais l'éternité est là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, étant donné que Camus n'a pas l'appareillage philosophique, bien sûr, de Spinoza, nous ne sommes pas du tout dans une philosophie de la productivité infinie de la vie. Nous sommes dans une philosophie du don, c'est-à-dire, au fond, les choses sont données une fois pour toutes, et c'est en s'extrayant de l'histoire, c'est-à-dire en s'extrayant, au fond, d'une humanité au sens d'humain trop humain, que l'on retrouve la sagesse solaire. Chez Spinoza, c'est infiniment plus compliqué. L'éternité et la présence sont en permanence des produits, en quelque sorte. Nous sommes dans une philosophie de la productivité, et si l'éternité est là, bien sûr, mais c'est une question de langage, philosophiquement, elle est une production d'elle-même en permanence, et d'une certaine manière, à ce moment-là, il n'y a pas, comme chez Camus, et ça, ça lui coûtera, beaucoup de conflits dans sa philosophie, et beaucoup aussi de problèmes, il n'y a pas cette divergence entre l'éternité et l'histoire chez Spinoza. C'est-à-dire que chez Spinoza, la causalité adéquate du réel, à travers les singularités, est une causalité où l'histoire et l'éternité se combinent en permanence et où l'on est finalement dans le processus même de la sagesse, dans une production de présence. On ne va pas la chercher comme une grâce, mais on l'éprouve comme une grâce une fois qu'elle est produite d'une certaine façon. Or, oui. Comme dit Camus, le soleil m'a appris que l'histoire n'était pas tout. Bien sûr. Précisément. Ce que vous dites permet de comprendre peut-être une chose, qui est cette indifférence qu'on reproche à Meursault, elle est pourtant doublée d'une véritable compréhension. Il dit un moment, à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, « je comprenais, maman ». Un peu plus loin, Meursault dit « Bon, je vais pas à mon bureau, mais mon patron n'était pas content, mais je le comprends ». Un peu plus tard, il parle dans la prison au gardien-chef qui se prend d'amitié pour lui et qui lui dit « Ah oui, dit-il à Meursault, donc vous comprenez les choses, vous ». Et puis Salamano, qui est le voisin de Meursault, qui torture son chien et qui en même temps est inconsolable du fait que le chien fuit, déserte finalement cette maison où il est malheureux. Salamano, témoignant en faveur de Meursault, dit « Il faut comprendre, mais… » dit Meursault, personne ne paraissait comprendre. Est-ce qu'on peut, de cette façon, expliquer le fait que l'indifférence apparente de Meursault se double d'une profonde compréhension ? Alors, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène de doublure ou de doublement, plutôt. Peut-être que l'un des phénomènes est condition de l'autre. Hein. C'est-à-dire que l'indifférence, que là j'évoque entre guillemets et qu'il faut sans doute expliciter, à ce stade-là, est sans doute condition de possibilité de cette compréhension que vous évoquez. Et je voudrais juste revenir sur un détail, c'est ces vices qui sont sur la bière et que Meursault refuse qu'on enlève. Meursault ne voit pas sa mère, c'est-à-dire Meursault ne voit pas le corps. Meursault ne voit pas l'image vivante, j'allais dire, de la mort. De sorte que dans ce paysage bientôt brûlé de soleil, mais magnifique, donc la scène des obsèques, dans ce paysage-là, Meursault peut avoir une relation spirituelle avec sa mère. Et cette relation spirituelle, je l'appelle ainsi parce qu'il s'agit d'une relation de pensée, c'est-à-dire que la mère est visée en idée d'abord, après avoir été sans doute très présente au fils en sensibilité, par sa sensibilité. Il y a un rapport comme ça qui s'est noué, et on le comprend, avec la mère, un rapport affectif très très fort qui permet en fait à Meursault de faire durer ou de transformer ce rapport en rapport spirituel, mais spirituel au sens d'idée. Meursault accompagne le corbillard, mais c'est sa mère qui l'accompagne. Oui, la mère on sent que la mère accompagne, et elle surgit à des points stratégiques du récit, et notamment à la fin, où là, Meursault crève, comme il le dit, c'est-à-dire il s'épanche enfin, et il dit « personne n'a le droit de pleurer sur maman ». Alors là, peut-être que ça nous permet de revenir sur la notion d'indifférence, très déterminée, surdéterminée par l'idée d'insensibilité, parce qu'on lui intente un procès en insensibilité, mais précisément, ne s'agit-il pas au début de problèmes d'inconvenance ? Ce qu'on évoquait tout à l'heure, tous ces détails, fumer des cigarettes, boire du café au lait, devant en fait ce qui se présente seulement comme un... Enfin seulement, j'essaye de mesurer mes mots, ce qui se présente comme une boîte de bois. Le corps n'est pas vu. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Donc il y a quelque chose qui semble irréel, finalement, ou en deçà de ce qu'est la mère de Meursault. Donc c'est pour ça qu'il se dit, est-ce que je peux fumer devant maman ? Parce que c'est complètement irréel, en fait, cette mort. Et puis surtout, mort. Il dit maman, de la même façon qu'on appellerait un mort, plus exactement, quand les gens sont vivants, on dit le prénom et puis le nom, et quand les gens sont morts, ils n'ont plus que leur nom de famille, d'une certaine manière. Or, si maman était morte, il dirait d'une certaine façon ma mère. Là, il dit fumer devant maman, comme un enfant qu'on prendrait en faute un collégien qui allume sa première cigarette et que sa mère aperçoit. Oui. Donc, il dit maman. Sa maman apparaît à un autre moment stratégique de l'étranger, puisque l'étranger commence par des obsèques. Au milieu, on a le meurtre de l'arabe sur la plage. Et puis, à la fin, donc, on a tout ce qui précède l'exécution. Donc, il y a trois versions de la mort, obsèques, meurtre et exécution. Au moment du meurtre, c'est-à-dire à la fin de la première partie, on est là, de nouveau, sous la lumière du soleil. Un soleil, ce sont les mots de Camus, accablant, écrasant, étouffant. C'est un soleil de 15 heures, hein. C'est un soleil de sieste, un soleil qui abrutit, un soleil pour rien. Camus parle d'un océan de métal bouillant. Il dit « j'ai la tête retentissante de soleil ». Et il termine ce passage en disant « c'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman ». En d'autres termes, le soleil, qui est la cause, mécaniquement, du meurtre, vraisemblablement, de l'arabe. Et ce qu'on ne peut pas demander, évidemment, au juré de comprendre, c'est aller au-delà des facultés de compréhension, si vous voulez, de l'humain, même si lui dira au juge d'instruction, bah ouais, il faisait chaud, alors j'ai tiré, donc ça n'a pas de sens d'un point de vue extérieur. Et pourtant, quand on lit le texte, on comprend son geste, sous l'effet de la chaleur écrasante. Enfin, disons, c'est là, ça se passe. Mais c'est le même soleil que le jour où il a enterré maman. C'est le soleil qui accompagne les obsèques est aussi le soleil qui accompagne le meurtre. Comment vous comprenez ça, Laurent Bove ? Eh bien, c'est ce coup de dé qui est à la fois hasard et nécessité. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire, hasard et nécessité à la fois ? C'est-à-dire que, au procès, il dira, c'est à cause du soleil. Et plusieurs fois, Raymond Sintès dira « c'est un hasard, c'est un hasard, c'est un hasard ». Pardonnez-moi, je précise que Raymond Sintès, c'est le souteneur qui est le voisin qui est le voisin de Meursault, et en faveur de qui Meursault témoignera, puisqu'il a un problème avec l'une de ses filles au début du roman. Oui, donc ce que dit aussi bien Meursault, c'est à cause du soleil, la cause c'est le soleil, que ce que dit Raymond Sintès en insistant sur le hasard, ce qui ne peut pas être entendu, bien sûr, par le tribunal, est vrai. Quand je dis « est vrai », effectivement, nous, lecteurs, lorsqu'on lit bien le texte, on le comprend comme cela. C'est une question de logique à ce moment-là. Comprendre signifie comprendre une nécessité chez Meursault. C'est-à-dire que lorsqu'il comprend qu'il faut aller vite dans ce pays pour enterrer les morts parce qu'il y a le soleil, il comprend une nécessité de nature ethnologique, quasiment. Lorsqu'il comprend Raymond Sintès qui veut punir sa maîtresse, il comprend cela aussi par une nécessité totalement interne à ce personnage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne se situe pas du point de vue du jugement, est-ce bien ou est-ce mal ? Cette compréhension-là est une compréhension adéquate d'une nécessité interne de la chose, ou de l'essence en quelque sorte, qui s'adresse à lui. On est en plein spinozisme. Bien sûr, pas blâmer, ne pas juger, mais comprendre. Tout à fait. Et c'est pour cela que j'insiste sur la logique des choses. C'est-à-dire que Meursault, comme Caligula, ce sont des êtres de logique. C'est-à-dire ce sont des êtres qui vivent dans et par la vérité, et qui peuvent tuer ou mourir de cette logique-là. Et leur compréhension, donc, est sans pathos. Sans aucun pathos. Elle est mathématique. Mais elle est sanglante, bien sûr. Hein, expression de Camus dans le mythe décisif, les mathématiques sanglantes. Bien sûr, vous pourrez me dire, là aussi, je pense à Spinoza. Effectivement, les mathématiques spinozistes sont sanglantes. Alors, les mathématiques, ou la logique sanglante, les mathématiques sanglantes, comme vous dites, on retrouve ça dans la deuxième partie de L'étranger, où il y a, d'une certaine manière, deux logiques à l'œuvre. On a la logique interne de Meursault, qui dit la vérité. Il dit la vérité, il dit pourquoi il a tué, parce qu'il faisait chaud. Il dit, quand maman est morte, j'ai éprouvé moins du regret que de l'ennui. Enfin, il dit la vérité, mais c'est une vérité qui déplaît aux jurés, mais surtout, il y a, face à ça, une autre logique implacable, extraordinairement rigoureuse, mais folle, qui est la logique de la plaidoirie du procureur, qui apporte la preuve irréfragable de ce qui, par ailleurs, est faux, à savoir que le crime de Meursault, le meurtre de l'Arabe, qui avait donc un différend avec Raymond Sintès et qu'il recroise sur la plage, pour lequel on pourrait, d'une certaine façon, d'ailleurs, plaider la légitime défense, mais il faudrait une certaine forme de mauvaise foi pour ça, le procureur apporte la preuve que le crime de Meursault a été prémédité, selon un enchaînement logique et néanmoins absurde. Donc il y a d'une certaine manière deux logiques à l'œuvre. La mécanique de Meursault et la mécanique implacable de la justice des hommes qui ne juge que d'après ce qu'elle voit. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça ? Oui, mais d'ailleurs Meursault le comprend. Il dit très bien que ce que dit l'avocat général, il comprend que c'est vraisemblable, que ça se tient, que c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il a bien compris, d'une certaine manière, l'intelligence, en quelque sorte, du discours du procureur, de l'avocat général, alors qu'il a trouvé le discours de son avocat assez médiocre, manquant de certains morceaux qui étaient nécessaires à la cohérence, dont l'enterrement. C'est-à-dire que Meursault se place en permanence dans un regard indifférent. Et là, on retrouve l'indifférence. Ça veut dire qu'il ne pense pas à soi lorsqu'il comprend. Il est totalement dans la logique de l'autre. À ce moment-là, il peut relever aussi bien la cohérence que l'incohérence. Et de ce point de vue-là, il peut même, par-delà le bien et le mal, aider, à ce moment-là, Raymond à écrire la lettre, parce que la nécessité de Raymond est assez forte et assez cohérente pour qu'il puisse... Il dit, il n'y a pas de raison que je ne l'aide pas. Aider Raymond, c'est-à-dire plaider en faveur de Raymond, apporter des circonstances atténuantes au procès qui est fait à Raymond pour avoir giflé la fille qu'il entretient. D'ailleurs, il est totalement, je dirais, conscient des conséquences. Hein. On est vraiment dans les mathématiques. Mmh. Remarquez que lorsque Raymond gifle sa maîtresse, Meursault reste indifférent. Marie éprouve une émotion, elle ne mange rien. Lui mange très très bien. Pourquoi ? Parce que, naturellement, il a déjà déduit les conséquences qu'allait avoir l'acte de Raymond et la lettre qu'ils avaient écrite ensemble. C'est-à-dire que rien ne l'étonne. Il y a une réalité là qui est inéluctable et qu'il accepte tout à fait. En revanche, il est étonné par la réaction du magistrat qui tout d'un coup brandit un Christ devant son nez parce que un crucifix plutôt, donc un Christ en miniature, sur la croix. Sur la croix, et parce que tout d'un coup le juge d'instruction est saisi d'effroi face à ce qui lui semble être monstrueux. Brusquement, il s'est levé, a marché à grands pas vers une extrémité de son bureau et a ouvert un tiroir dans un classeur. Il en a tiré un crucifix d'argent qu'il a brandi en revenant vers moi. Et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié « Est-ce que vous le connaissez, celui-là ?» J'ai dit « Oui, naturellement. » Alors il m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonnât pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devint comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table. Il agitait son crucifix presque au-dessus de moi. À vrai dire, je l'avais très mal suivi dans son raisonnement, d'abord parce que j'avais chaud, qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule, parce que, après tout, c'était moi, le criminel. Il a continué, pourtant. J'ai à peu près compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. Pour le reste, c'était très bien. Mais cela, il ne le comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner. Ce dernier point n'avait pas tellement d'importance. Mais il m'a coupé, m'a exhorté une dernière fois, dressé de toute sa hauteur, en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible, que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction, et s'il devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous, s'est-il exclamé, que ma vie n'ait pas de sens ?» À mon avis, cela ne me regardait pas, et je lui ai dit. Mais à travers la table, il avançait déjà le Christ sous mes yeux et s'écriait d'une façon déraisonnable « Moi, je suis chrétien. Je demande pardon de tes fautes à celui-là. Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ?» J'ai bien remarqué qu'il me tutoyait, mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours, quand j'ai envie de me débarrasser de quelqu'un que j'écoute à peine, j'ai eu l'air d'approuver. À ma surprise, il a triomphé. « tu vois, disait-il, n'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ?» Évidemment, j'ai dit non une fois de plus. Il est retombé sur son fauteuil. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mise à distance d'un certain nombre d'attitudes attendues dans certaines circonstances. Et c'est ça le procès qu'on lui intente aussi, c'est qu'il n'a pas l'attitude attendue. Et c'est ça l'insensibilité, c'est pour ça que je parle de procès en insensibilité, c'est que s'il avait pleuré au procès, à l'enterrement de sa mère, eh bien le procès... Il aurait probablement échappé à la peine de mort. Le procès aurait eu un autre cours, aurait pris un autre cours. Donc c'est quand même ça aussi l'absurdité que dénonce... l'absurdité, une réalité d'abord, je crois très profondément, une réalité de la manière qu'ont les hommes... de juger les autres hommes, il s'agit de cela, Donc une réalité et ensuite une réalité absurde. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase que lance l'avocat, son avocat, qui dit « Enfin, on ne juge pas ici M. Meursault pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. » Et pourtant si, c'est ça qu'on juge. Le paradoxe et l'absurdité de la situation. La conversation dont vous parlez avec le juge d'instruction est une conversation fascinante. D'abord, le point de départ de cette conversation avec le juge d'instruction est étonnant, puisque le juge d'instruction commence, un peu bonhomme, en disant « Ce qui m'intéresse, c'est vous. » Sentiment de Meursault, j'ai pas bien compris ce qu'il entendait par là et je n'ai rien répondu. Vous parliez tout à l'heure, Laurent Boff, d'indifférence à soi. Là, effectivement, quelqu'un qui dit ce qui m'intéresse, c'est vous, et l'autre qui dit j'ai pas bien compris ce qu'on entendait par là, c'est-à-dire par moi, alors je n'ai rien répondu. Et la conversation se prolonge et le juge d'instruction, s'énervant, répète plusieurs fois le mot pourquoi. Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ? Là encore, dit Meursault, je n'ai pas pu répondre. Et puis il continue, pourquoi il faut que vous me le disiez ? Pourquoi je me taisais toujours ? Et, exaspéré par le silence, l'indifférence donc de Meursault, le juge d'instruction à ce moment-là brandit son crucifix en disant, voulez-vous que ma vie n'ait pas de sens ? Et il termine en disant, je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre, les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur, c'est-à-dire devant le Christ. Comment vous comprenez ce passage, Laurent Boff ? C'est un passage crucial, non ? C'est le cas de le dire. Oui. Oh bien, je pense que Camus construit ici un juge qui est en même temps un théologien. Et je crois que... C'est pas plutôt un théologien qui est accidentellement juge ? Oui, parce Est-ce que tous les juges ne sont pas des théologiens chez Camus, d'une certaine manière ? Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que l'adversaire principal de Camus, c'est le théologien. Et c'est l'interprétation théologique du monde. Bah, c'est-à-dire que c'est Dieu avant d'être la justice des hommes, non ? Oui, c'est Dieu en tant que la justice des hommes ne fait que reprendre un ordre imaginaire de la réalité qui a sa dimension philosophique pour l'appliquer à la société. C'est-à-dire que, comme le disait Nietzsche, toute notre civilisation est infectée du sang du théologien. Et ça, je pense que Camus en est tout à fait conscient. Donc il a affaire à un théologien juge qui va lui parler... en fait, de réalité qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, en fait, il lui parle de son âme, il lui parle du sens de l'existence, c'est-à-dire, il lui parle, c'est toute une série de mots et de réflexions. Oui, il dit à un moment, il se mit à parler de mon âme. Oui, qui ne correspondent absolument pas à l'univers de Meursault, qui est un univers de la présence. Bien sûr, il parle de choses complètement décalées, on peut dire, métaphysiquement. Et à ce moment-là, Meursault ne comprend pas. Et là, on comprend qu'il ne comprenne pas, étant donné que sa compréhension est celle, finalement, de la... Alors que c'est un surdoué de la compréhension, bien Meursault. Sûr. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, dont on peut penser, d'ailleurs, tout à l'heure, Myriam Corrichi disait, on ne connaît pas son passé, mais on peut penser qu'il a fait des études supérieures et peut-être des études de lettres supérieures. Et peut-être de la philosophie, déjà. Oui. Donc tout cela n'est pas dit, mais... Vous devriez l'un et l'autre écrire le roman avant l'étranger et le roman après. Le moment des études de Meursault et le moment où il échappe à l'exécution. Parce que vous étendez le roman, mais pourquoi pas, à l'enfance de Meursault comme à sa résurrection. Il s'agit en fait d'une aventure philosophique. Et cette aventure philosophique, c'est celle d'un corps et c'est celle d'une présence, c'est d'aptitude à affecter, à être affecté. Et on le voit effectivement, on ne peut que s'interroger, puisque... Camus parle tant des habitudes sur ce qu'était son passé. Mais ce que je souhaitais dire à propos de la compréhension, il ne comprend pas et il n'écoute plus et il s'ennuie lorsque justement le discours tourne à vide. Il s'intéresse et il comprend lorsque, tout à l'heure j'ai employé le mot ethnologie ou anthropologie, on pourrait dire, lorsqu'il s'agit de l'existence humaine. Raymond Saintès est un souteneur, mais il parle de la vie. C'est un homme, d'une certaine manière. Alors que le théologien juge lui parle de choses qui, absolument parlant, n'existent pas. Et ça ne l'intéresse pas, ça l'ennuie. Il aura le même rapport avec le prêtre, bien sûr, à la fin de ce texte, mais il n'écoutera le prêtre qu'au moment où il sentira que le prêtre est ému. C'est-à-dire au moment où une existence humaine est présente. Je voudrais dire encore une fois prolonger encore sur cette question de la compréhension, si Meursault devient un assassin, c'est quand même parce qu'il s'est trouvé avec un pistolet dans la poche. Or, c'est parce qu'il comprend qu'il s'est trouvé avec un pistolet dans la poche. Hein. Camus est très en retrait de son personnage, me semble-t-il, lorsqu'il lit de Meursault qui ne prend jamais de décision. Or, il en prend une terrible dans ce texte. Il prend la décision de suivre Raymond Saint-Ès lorsque celui-ci repart sur la plage, alors que son vieil ami ne le suivra pas. Lui le suit, et il le suit, je pense, par compréhension. C'est-à-dire, à ce moment-là, il fait un acte de totale générosité. Et sa générosité va continuer dans la compréhension, parce que lorsque Saint-Ès se trouve en face des Arabes, comment Meursault va l'amener à lui donner le revolver? Eh bien, exactement par rapport à ce qu'il a compris du personnage de Raymond, à savoir le petit voyou. Prends-le d'homme à homme. Tant qu'il ne sort pas son couteau, tu n'es pas agressé, etc. C'est-à-dire, il lui parle son propre langage pour... Et il dit d'ailleurs qu'il s'excite. Et donc, il sait ajuster son langage totalement à l'autre pour le sauver. C'est-à-dire, pour finalement l'amener à ne pas tirer. Et donc, à lui passer le revolver. Ce qui veut dire tout ceci est la conséquence d'une très profonde compréhension. On parlait de Spinoza tout à l'heure. J'ai parlé du Christ de Spinoza. Comment s'adresse le Christ de Spinoza à tous les gens qu'il rencontre? Il s'adresse, dit Spinoza, toujours en fonction de leur propre essence. C'est parce que cet homme-là a une grande compréhension, non seulement de la nature humaine en général, mais des singularités, qu'il est capable, par quelques paroles, éventuellement, de sauver quelqu'un. Or, c'est exactement ce que fait Meursault. Oui, il a sauvé Saint-Ès, qui aurait été vraisemblablement l'assassin. Mais il a sauvé l'Arabe aussi. Exactement, oui. Qu'il va tuer par la suite. C'est-à-dire qu'il a sauvé la vie, tout simplement. Ce que vous dites est étonnant, parce que pendant le procès, les jurés regardent Meursault, comme le faisaient d'ailleurs les amis de sa mère, quelques dizaines de pages plus tôt, et on s'aperçoit d'ailleurs à cette occasion que le spectateur qu'est Meursault, l'étranger qu'est Meursault, est lui-même un spectacle, naturellement pour les autres hommes. Mais sous le regard des jurés, Meursault sent, ce sont ses propres termes, son innocence irréparable. Et puis un peu plus loin, il dit, une stupide envie de pleurer le saisit, parce que j'ai senti combien j'étais détesté par ces gens-là. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable. Donc, le même homme est d'une innocence irréparable et, en même temps, coupable. Comment expliquer ce paradoxe? Il est donc innocent et coupable en même temps. Ce qui est frappant, c'est que, d'une certaine manière, contrairement à Caligula, Meursault n'affirme pas que tous les hommes sont coupables, mais d'une certaine manière que tous les hommes sont condamnés, même les innocents. Est-ce que c'est ça, la leçon du procès? Parce que si cet homme a sauvé la vie, cet homme généreux, cet homme qui protège son copain, qui épargne à son copain d'être à sa place, sur le banc de l'accusé, se retrouve coupable, est-ce que c'est pas ça, finalement, l'idée, que tous les hommes sont condamnés? Cette idée de condamnation à mort, évidemment, est présente dans le roman, mais... comme un thème véritablement absurde. C'est-à-dire, c'est vraiment un événement qui tombe sur la tête de Meursault, si j'ose dire, de façon, absurde, contrairement à la peste, où là, le thème de la condamnation à mort est beaucoup plus motivé, comment dire. Alors que là, il me semble que le thème le plus important, c'est ce paradoxe d'être à la fois innocent et coupable. Le procureur dira de lui « J'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel ». Tout ça à la fin d'une démonstration soi-disant implacable. Implacable. Parce que justement ce procureur a lié entre eux des événements selon une certaine logique de finalité. Alors c'est ça que Meursault comprend pas du tout. Ne comprend pas du tout. C'est-à-dire que les événements, nous, on a vu, nous, lecteurs. C'est ça l'intérêt immense de la bipartition du roman, c'est de suivre les événements. Du premier moment, juste avant le meurtre, juste et avant, puis le moment voilà. Qui est en prison, donc la deuxième partie. De suivre, nous, on est aux premières loges, on suit pas à pas le personnage principal, on est embarqué dans sa conscience, qui se souci d'être la plus objective possible. Hein. Donc, on est vraiment comme au cinéma, je dirais. Et on bascule dans une deuxième partie qui se charge de mettre du sens dans tout cela, de lier les événements entre eux de manière significative. Et comme Meursault, le lecteur, je parle en mon propre nom en tout cas, le lecteur ne reconnaît pas du tout ce qu'il vient de lire, ainsi résumé par le procureur. Et c'est ça l'incroyable construction. C'est-à-dire que l'absurde, c'est pas le réel. L'absurde, c'est la volonté d'y mettre un sens. Exactement. L'absurde est vraiment cristallisé dans cette façon de voir du sens et de mettre du sens et de nommer, de diriger le destin. Alors qu'à la fin, nous avons véritablement un écrivain qui a conduit son personnage vers son destin. Là, on suit véritablement, on peut parler de destin pour Meursault, mais pas du tout de la même façon que le procureur. Est-ce que ce que vous dites n'éclaire pas ce très beau texte qui se termine où il après le procès, il reconnaît la rumeur de la ville qu'il aime, comme ça les bruits dans les oreilles, et il termine en disant comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'aux sommeils innocents. Et puis, un peu plus loin, il dit « J'écoutais et j'entendais qu'on me jugeait intelligent, mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable. » Est-ce qu'on ne retrouve pas justement là une certaine forme d'ambivalence, une espèce d'alternative qui fait que ce qui conduit au ciel d'été conduit également à la prison. Bien sûr. L'innocence, en premier lieu, c'est l'innocence de la mer, c'est l'innocence de la nature, une nature qui n'a pas de principe, qui n'a pas de fin. Et c'est l'innocence, finalement, des actes des hommes. Lorsqu'on les lit dans cette causalité efficiente, finalement, qui ne porte ni sens ni valeur, mais qui en produit bien sûr, puisque à ce moment-là, elle produit l'imaginaire ou elle constitue l'imaginaire de la réalité dans laquelle nous vivons. Or, c'est cet imaginaire-là qui va ensuite, bien sûr, servir à interpréter ces actes qui, en réalité, le précède cet imaginaire. Donc on a un effet de boucle qui fait que la construction imaginaire du réel devient ce à partir de quoi ce réel lui-même est interprété, lui qui a produit de l'imaginaire, mais qui en lui-même n'a ni principe ni fin, et est absolument innocent, comme un petit enfant, dirait Nietzsche. C'est comme un enfant qui joue. C'est pour ça qu'il parle d'une mécanique, une mécanique qui le reprend. Bien sûr. Absolument bien sûr. Opaque au sens, ouais. Parce que ça se définit d'abord par le fait d'arriver, de se produire, et non pas par le fait d'avoir un sens, d'être dirigé en vue de quelque chose. Ou de, oui. C'est-à-dire que pour les hommes, pour le commun des mortels, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle a un sens. Et tout le texte nous dit justement qu'elle ne vaut la peine d'être vécue que lorsqu'elle est décapée du sens. Hein. C'est-à-dire qu'elle prend sa valeur par, justement, ce désespoir, ce décapage. Or, je réponds à la deuxième partie de votre question sur, justement, les bruits qui montent de la ville et le soir dont Myriam Corrichi a parlé tout à l'heure avec cette magnifique expression de trêve mélancolique. Hein. Effectivement, le temps de la journée, le temps du soleil, c'est le temps de tous les possibles. Et effectivement, on a dans ce texte, sur la même plage, le matin, une harmonie radicale, c'est-à-dire que tous les éléments de la nature se sont combinés par hasard, de telle manière que Meursault vive la communion. Effectivement, communion avec l'air, il respire en nageant, communion avec la mer, bien sûr, communion avec la chaleur qu'il sent monter, communion avec le sable, il met sa tête dans le sable, mais communion aussi... Adhésion, on peut parler d'adhésion au réel, d'allégresse, une certaine forme d'allégresse à ce moment-là. Oui, bien sûr. Et vous savez qu'en latin, Spinoza parle d'hilaritas. L'hilaritas, c'est justement lorsque un corps jouit de joie égale dans toutes ses parties. Mais ajoute Spinoza, parce que la combinaison des causes extérieures l'a mené là. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la boue. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux, il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée à moitié endormis. J'ajouterai que Marie fait partie des éléments ici de la nature. Marie n'est pas une chose, n'est pas un objet. Non, mais enfin, c'est que c'est une langue qui se mêle à la sienne dans l'eau salée. Bien sûr. C'est un être dont il ne reste qu'un sourire un peu écartelé devant le parloir. Oui. C'est un être qui la demande en mariage et qui se dit qu'elle l'aime pour les raisons pour lesquelles il la dégoûtera plus tard. C'est également un être qui n'apparaît qu'à la faveur des impressions qu'elle dépose en Meursault. Bien sûr. Donc elle n'a pas non plus d'autonomie d'une certaine manière. Elle n'est jamais perçue indépendamment de Meursault lui-même. Sans être un objet, sans être une chose. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas objet de désir, elle fait partie des relations singulières qu'il entretient avec le réel. Elle est désir d'un objet ? Elle-même ? Oui. Vous dites qu'elle n'est pas objet d'un désir, mais peut-être qu'elle traduit un désir qui se donne accidentellement à un objet, puisqu'il aime Marie, enfin il aime Marie, non, il n'aime pas Marie d'ailleurs. Mais justement, il est avec Marie comme il pourrait être avec Géraldine ou... Oui, mais à condition qu'il soit attaché à elle de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité qui définit la relation singulière quand même. Hein? Donc, tout ceci pour dire, d'ailleurs, il nage avec elle, hein, le texte est assez précis puisqu'il apprend par la taille, et donc il y a vraiment une union-communion. Là, avec l'ensemble des éléments de la nature. Or, c'est sur cette même plage qu'il y aura le divorce. C'est-à-dire tous les signes ou les éléments vont s'inverser et le conduire au meurtre et au destin que nous lisons. Donc, effectivement, la même nature produit aussi bien la béatitude que la mort. La béatitude au sens spinoziste du terme ici, hein, c'est-à-dire l'adhésion pleine et entière. La manière dont on a parlé, on peut penser qu'effectivement cette béatitude, c'est celle que vit Meursault lorsque, après l'affrontement avec le prêtre, il se réveille avec des étoiles sur son visage et où la nature vient rafraîchir ses tempes, etc. Enfin, le texte est magnifique et effectivement là, on peut parler effectivement de béatitude. Sur laquelle s'achève le roman. Mais alors, je voudrais pour terminer vous poser une question à tous les deux. Vous parliez tout à l'heure, Mariam Korichi, du fait que la mère l'accompagnait. D'une certaine façon, on disait, il ne peut pas fumer devant maman. Enfin, maman est encore en vie quand elle est morte, d'une certaine manière. C'est ça qu'il dit maman. Et que donc, la mort ne tue pas tout. Qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas avec la mort de la mère. Un mystère, quelque chose qui demeure, un de mes professeurs de philosophie en prépa avait ce néologisme, il disait quelque chose qui permane. Et dans la conversation donc avec l'aumônier, à la fin de L'étranger, l'aumônier, désespéré par l'indifférence de Meursault qu'il prend pour du cynisme, lui dit « Mais enfin, n'avez-vous donc aucun espoir? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ?»« Oui, ai-je répondu. » Alors, pour terminer, je voudrais qu'on élucide éventuellement, qu'on apporte un peu de lumière sur ce paradoxe qui veut que la leçon de l'étranger soit à la fois que les morts ne meurt pas tout à fait, puisque la maman de Meursault demeure et sa présence croît à mesure qu'elle s'éloigne et que son corps est enterré. Et en même temps, Meursault est un homme qui vit avec la pensée qu'à l'instant de mourir, il mourra tout entier. Alors oui, c'est vraiment très très intéressant, là, parce que ce qui ne meurt pas... Qu'est-ce qui ne meurt pas? Qu'est-ce qui survit chez un homme qui ne croit pas en Dieu? Posons la question de ce qui ne meurt pas en prenant appui sur le texte, ce que nous apporte concrètement le texte, eh bien c'est l'idée de la mère qui ne meurt pas. On peut prolonger, c'est la sensation de la mère qui ne meurt pas. Voilà ce qui ne meurt pas, ce qui reste. Là, on rejoint un petit peu Spinoza. Spinoza parle de ce qui reste. Hein. Eh bien, c'est l'idée. Mais l'idée, elle doit vivre quelque part, si j'ose dire, eh bien, elle vit dans l'esprit de Meursault. Et c'est seulement dans ce cadre qu'elle a un sens. hein, cette idée. C'est-à-dire que ça, c'est une partie de l'esprit de Meursault. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben, tout voilà, ce qui reste. C'est... Et là, il ne s'agit pas de la mer. Hein, il ne s'agit pas. Il s'agit ni de l'esprit de la mer, ni du cadavre de la mer. Il s'agit de l'idée que porte avec lui, irrémédiablement, Meursault, tant qu'il est vivant. Laurent Boeuf. Oui, je pense à cette phrase qui est dans les annexes du premier homme. Nous naissons séparés, c'est l'absurde, sauf de la mer. On ne possède que le nécessaire. Et la nécessité ici, effectivement, c'est la mer et la liaison avec la mer. Et il faut y revenir et s'y soumettre. Et je crois que ce revenir à la mer n'est pas revenir à la mer effective, c'est-à-dire la mer névrotique. C'est faire exactement l'inverse d'une certaine manière. C'est s'en détacher pour... La nature est réversible. C'est s'en détacher pour vivre la fraternité du monde. C'est-à-dire pour découvrir à travers... S'ouvrir, comme il dit, à la tendre indifférence du monde. L'indifférence du monde devient tendre à la fin. Oui, bien sûr. Oui, j'ajouterais... La tendre indifférence du monde... Effectivement, c'est, on pourrait dire, le progrès éthique de Meursault. Hein? Alors que, j'insiste là-dessus, Camus, dans Le Premier Homme, a toujours tendance à culpabiliser d'avoir quitté la mer effective et la mer réelle. Et il dit « Quand je m'en éloigne, je sais que là est ma vérité et que je vais trahir. » Alors que Meursault n'a pas trahi. Et parce qu'il n'a pas trahi, effectivement, on peut dire qu'il a droit au sens de puissance, à cette béatitude, c'est-à-dire à la fraternité du monde. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de réconciliation en cette toute fin. Et l'évocation de la mer apparaît justement au moment où il y a cet apaisement après cet épanchement colérique. Il y a eu une colère soudaine où tout d'un coup, le vernis... de l'écriture blanche craque, et là c'est magnifique, forcément, on attend, et vient enfin donc le moment de l'apaisement. C'est une page, deux pages avant la fin du livre, c'est la fin. Eh bien la mer est évoquée à ce moment-là, et donc peut symboliser le rapport avec l'univers. Camus dit que son œuvre passera forcément par le truchement de la mère et du fils. Et alors ça reste mystérieux, jusqu'à ce qu'on comprenne que ce rapport entre la mère et le fils, peut-être, symbolise le rapport de l'individu et de la nature. C'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur truchement, effectivement, pour se rendre sensible à son rapport à la nature. Et alors, je voudrais juste citer cette phrase de Camus, qui est postérieure à L'Étranger. « Je suis né pauvre et sans religion, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilité, je n'ai donc pas commencé par le déchirement, mais par la plénitude. » Merci Laurent Boeuf, merci Myriam Corichi pour cette longue conversation sur L'Étranger d'Albert Camus. Nous arrivons à la fin de cette deuxième matinée, cette deuxième étape dans notre grande traversée de l'œuvre et de la vie d'Albert Camus. Camus, la pensée de midi. Je rappelle que vous pouvez réentendre ou télécharger évidemment cette émission sur notre site internet franceculture.com où vous trouverez entre autres tout le détail de cette semaine camusienne. Bonne journée, chers auditeurs, et rendez-vous demain pour la suite de cette grande traversée, une suite qui se penchera sur le rapport charnel, c'est le moins qu'on puisse dire, que Camus entretenait avec le théâtre et ses planches, et où vous entendrez notamment le témoignage poignant de la grande Elena Bossis, qui vit de près, au théâtre Antoine, comment le metteur en scène Albert Camus avait l'habitude de travailler.